me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Où en est la crise égyptienne, tandis que le pouvoir du Khédive est bousculé, tandis que s'affirme celui du mouvement national et constitutionnaliste sous le regard méfiant du sultan Abdulhamid II? Comment le rebelle Ourabi Pacha devient-il un héros national? Pourquoi la France républicaine de Gambetta prend-elle nettement parti contre le mouvement national et son slogan « l'Égypte aux Égyptiens » Comment l'Angleterre libérale de Gladstone semble hésiter? Comment le terrorisme irlandais va-t-il peser? Comment la question égyptienne s'internationalise-t-elle? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, poursuit son cours pluriannuel consacré aux provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle. L'accent est mis depuis plusieurs cours sur l'enjeu égyptien au moment de la révolution de 1880-82. Le mouvement constitutionnaliste se heurte aux intérêts européens et à ceux du sultan dans l'Empire ottoman. La question de l'intervention des puissances occidentales est posée. Nous abordons l'année 1882 que nous suivrons au fil des événements jusqu'à la fin de cette série de cours vendredi prochain. Dans son ouvrage « Les Orientales », Henri Laurence résume ainsi la situation au moment du grand ministère Gambetta depuis novembre 1881 et je le cite. Le président du Conseil se saisit directement du dossier comme ministre des Affaires étrangères. Sa ligne d'action est de jouer la collaboration franco-britannique et d'interdire toute intervention militaire ottomane en Égypte. C'est le sens de la célèbre note du 7 janvier 1882 qui met le feu aux poudres en Égypte. Les consuls européens se font les défenseurs des prérogatives khédiviales face aux députés élus. Question de savoir qui a le droit de décider du budget. L'historien va nous expliquer ce matin comment les contrôleurs financiers européens, justement, poussent notamment à la roue, craignant de se voir dépouillés de leurs compétences par la Constitution. Henri Laurence résume encore le contexte. Shérif ne peut plus contrôler la situation et doit démissionner le 4 février. Les constitutionnalistes égyptiens, appuyés par l'armée, se saisissent du pouvoir réel et entament l'épreuve de force décisive avec le Khédive. Tandis que la porte réplique par la réaffirmation des droits inaliénables du sultan sur l'Égypte. Il faut rappeler qu'Abdulhamid II ne souhaite pas de constitution en Égypte et qu'il craint le danger d'un séparatisme musulman, d'un soulèvement arabe. Il use donc de l'arme du califat pour préserver l'union et avance ses pions avec prudence. En France, le polytechnicien Fraissinet succède à Gambetta, qui a donc lancé un processus d'internationalisation de la crise égyptienne. Mais les Français vont être dès lors à la traîne des événements, souligne Henri Laurence, car il n'y a plus une forte personnalité à la tête du jeu. Nous terminerons ce récit avec le lobbying de Lord Blount, qui échange depuis la Grande-Bretagne avec les nationalistes égyptiens et le milieu politique anglais. Il accuse les correspondants britanniques de fausses informations et il essaie de rassurer Gladstone sur les intentions du réformateur Ourabi. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 7 décembre 2016 pour le cours d'Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, l'internationalisation de la crise égyptienne. Shérif vient de nommer Ourabi Pacha, Ourabi, sous-secrétaire d'État à la guerre, ce qui permet de régulariser son rôle politique et en même temps, ça permet de renforcer la position de Sharif. Alors, Londres accepte le texte que Gambetta vient de lui transmettre pour que ça devienne une note conjointe franco-britannique. Donc, vous avez la correspondance entre Paris et le Caire. Cette note elle va être présentée comme des instructions communes envoyées par Londres et Paris à leurs consuls respectifs, mais évidemment, elle est immédiatement publiée par la presse égyptienne, puisqu'on la rend publique, c'est le but recherché, et donc elle est rendue publique le 9 janvier 1882. Et elle énonce que, fondamentalement, la France et l'Angleterre prêtent leur appui au Khédive face aux difficultés. Je cite, « Les deux puissances sont entièrement d'accord à ce sujet et des circonstances récentes, notamment la réunion de la Chambre des notables convoquée par le Khédive, leur ont fourni l'occasion d'échanger leur vue une fois de plus. Je vous prie de déclarer en conséquence à Tewfik Pacha, après vous être concerté avec Sir Edward Mallet, qui est invité à faire simultanément avec vous une déclaration identique, que les gouvernements français et anglais considèrent le maintien de son Altesse sur le trône dans les conditions qui sont consacrées par les ferments des sultans et que les deux gouvernements ont officiellement accepté comme pouvant seul garantir dans le présent et pour l'avenir le bon ordre et le développement de la prospérité générale en Égypte auxquels la France et l'Angleterre sont également intéressés. » En gros, ostensiblement, Londres et Paris apportent leur soutien au Khédive face au mouvement national, à la Chambre des députés et à la demande de constitution. Et donc, tout ça est justifié à Londres et à Paris dans les correspondances diplomatiques internes par le danger du panislamisme qu'il faut contenir en maintenant des pouvoirs forts face à la menace musulmane dans les pays d'Orient. Oui, on est en 1881, hein, 82 maintenant. Alors, évidemment, les consuls ont été surpris par la note, par les instructions qu'ils ont reçues, et ils sont réticents. Ils sont que les porte-parole de leur gouvernement. Donc, ils obéissent. Cela provoque aussi le mécontentement des consuls d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie, pour qui le condominium franco-britannique n'est que de nature financière et ne concerne pas le domaine politique. Alors, Mallet tente de désamorcer la tension en laissant entendre qu'il n'était pas favorable au contenu de la note, qu'il est contre une intervention militaire en Égypte, mais du coup, évidemment, le consul de France, Sienkiewicz, je rappelle, c'est le cousin de l'auteur de Covadis. Lui voit une manœuvre britannique pour désobéir aux instructions du centre. Alors, il informe ainsi Paris de l'évolution de la situation. J'étais informé d'une manière toute confidentielle que M. Mallet cherche à démontrer à Sherif Pacha qu'il a été très opposé à la note. Il a envoyé M. Blount chez Orabi pour connaître le sentiment de l'armée. Comme je l'ai exposé précédemment à votre Excellence, c'est sur le parti dit national que mon collègue fait actuellement reposer son action. C'est-à-dire que les Français interprètent la médiation de Blount comme une manœuvre britannique pour faire donner le mauvais rôle aux Français dans la question du mouvement national. En fait, Blount avait bien été envoyé par Mallet pour parler à Orabi et dire qu'il ne fallait pas prendre la note au sérieux et qu'Orabi lui a répondu que le consul le prenait pour un enfant qui ne comprenait pas le sens des mots. Et que c'était bien un risque d'intervention militaire franco-britannique qui était contenu dans la note. Alors, Le durcissement de la position des nationalistes provoque le durcissement de la position des consuls et ainsi de suite. En effet, c'est plutôt un mouvement d'union nationale qui semble percer en Égypte à la mi-janvier 1882, réunissant Égyptiens de souche et Turco-Circassiens au nom de la défense du pays et de la défense de l'islam. Alors, historiquement, c'est aussi le moment où Mohamed Abdo et son cercle rejoignent le mouvement national. Parce qu'il faut rappeler, Abdo avait été soutenu par Yaz, donc il était hostile au mouvement national dans toute cette phase. Et ce qui fait qu'on a toujours accusé ou soupçonné Mohamed Abdo d'avoir eu un certain penchant pour l'autoritarisme à condition qu'il fasse des réformes. Et donc, c'est en janvier 1882 que Abdou rejoint le mouvement national, avec lui tout son cercle, c'est-à-dire les anciens partisans d'Afrani, Afrani étant actuellement en Inde à ce moment-là. Alors, c'est le moment où Wahhabi devient un espèce de héros national en Égypte. Alors, pour faire plaisir à un de mes collègues, je ferai une citation de Blount, dans lequel il dit « Wahhabi devint immensément populaire et tous mes amis, les Égyptiens, parlent la langue du pan-islamisme. Hardly anything for my Egyptian friends, but the language of pan-islamism. » Donc tous les copains qui parlent du parler musulman, l'expression « langue du pan-islamisme » est utilisée par Blount pour le début de l'année 1882. Alors, dans tout ça, on n'a rien tranché du tout. Et donc, on reste toujours dans l'attente. Alors, les Anglais demandent qu'on atténue la note, mais Gambetta reste ferme. Du coup, c'est Londres qui rappelle à l'ordre son représentant. OK. Et pendant ce temps-là, la Chambre des députés, enfin des représentants, discute de la possibilité d'une constitution égyptienne, la question fondamentale étant la question du budget. Même si la moitié des ressources de l'État égyptien est engagée au paiement de la dette, les Égyptiens réclament le libre usage de la seconde moitié, tandis que les contrôleurs financiers français et britanniques s'y opposent en disant que le paiement de la dette ne peut être assuré que s'il y a un contrôle sérieux des actes de gestion financière de l'Égypte. Je ne parle pas de la Grèce, des contrôleurs financiers qui viennent... On est en 1882. Et le jeu semble se dessiner entre une opposition entre la Chambre des députés, la Chambre des notables plus exactement, soutenue par le mouvement national, et le Khedive soutenu par la France et l'Angleterre. Et donc, quand il y a la délégation de la Chambre des notables vient voir le consul de France, ils reçoivent ce que je pourrais appeler une véritable awanée de la part du consul de France qui remet ses indigènes à leur plan. Vous ne pouvez douter, ai-je dit, des sentiments du gouvernement de la République française envers l'Égypte. Je sais que vous vous inspirez des grandes époques de notre révolution, mais vous oubliez que nous étions préparés de longue main au changement qui se faisait chez nous. Or, cette préparation vous manque. Vous avez toujours été despotiquement gouverné, et c'est depuis quelques mois seulement, à vrai dire, que vous jouissiez d'un gouvernement libéral et juste. Vous voulez devancer le temps, et vous croyez pouvoir vous passer de l'expérience qui, vous le saurez, s'achète très cher. Vous avez toujours reconnu que le concours des fonctionnaires européens vous était nécessaire, que vous aviez besoin de mettre, souligné dans la dépêche. Or, si vous reconnaissez votre inexpérience en administration, comment pouvez-vous avoir même l'idée de prendre en main les rênes du gouvernement? Ce que vous demandez, c'est la réunion de tous les pouvoirs dans la chambre seule, mais où sont les preuves de capacité que vous avez données? On ne vous a pas vu à l'œuvre. Vous n'êtes qu'une chambre de notables. Tout vous manque pour parler comme des membres d'un parlement. C'est par la voie administrative que vous avez été nommé, et cela est si vrai que plusieurs d'entre vous ont pu être remplacés par d'autres membres sans que cela tire à conséquence. Vous ne voulez pas, dites-vous, toucher aux conventions internationales. Votre intention se borne à voter le budget intérieur. Mais outre que ni l'enthousiasme ni les sentiments les plus patriotiques ne suffisent pour aligner et grouper des chiffres selon la science des finances, vous perdez de vue qu'il résulte de ces mêmes conventions dont vous professez le respect que le budget entier doit être préparé par le ministre des Finances. Le consul parle de fâcheuses influences qui s'exercent sur la Chambre. Il faut agir avec modération et surtout ne pas s'engager dans la voie révolutionnaire, je cite. « Je vous engage enfin à méditer sur cette opinion généralement répandue que les peuples d'Orient sont voués au régime despotique. » Il est en votre pouvoir de prouver que cette opinion est fausse, mais gardez-vous bien en abusant des libertés qu'on vous accorde de la confirmer. Donc, ensuite, la délégation des notables va voir le consul d'Angleterre et reçoit à peu près le même traitement et la même réponse en disant « Vous n'êtes pas prêts pour vous gouverner, donc laissez ceux qui savent, c'est-à-dire les Khédives et les Européens, vous gouverner. » Et c'est les Français qui sont en tête dans la lutte à ce moment-là contre le mouvement national, tandis que les Anglais sont en retrait. Et donc Mallet envoie Blount essayer de faire une nouvelle médiation entre les notables et le consulat de Grande-Bretagne. Et donc la médiation est préparée par Sabounji, donc l'ancien professeur d'arabe, ou Sabounji, de Blount, et qui est aussi un de ces journalistes réformistes de l'époque. Et l'autre qui travaille sur le dossier, c'est Mohamed Abdou. Et ensuite, Blount s'entretient avec les notables, qui cèdent sur un certain nombre de points, mais pas sur la question du budget. Quant à Sharif, d'après ce qu'écrit Blount 20 ans après, dans la Secret History, pour lui, les Égyptiens sont des enfants et doivent être traités comme tels. Sharif leur a offert une constitution qui est bonne pour eux. S'ils ne veulent pas qu'ils s'en passent, il a créé le Parti national et ils n'obtiendront rien sans lui. Car ces paysans, ces fellahs, ont besoin d'être dirigés. Là, on a devant l'attitude des grands propriétaires fonciers, turco-circassiens, qui considèrent les Égyptiens, enfin les fellahs, comme des enfants qui doivent obéir. Alors, mais personne ne veut d'une intervention militaire. Et donc, on recherche une nouvelle solution de compromis. Et donc, pour gagner du temps, les consuls redemandent des instructions à leur gouvernement, mais Gambetta répond le 23 janvier qu'il rejette tout ça et qu'il faut s'en tenir au terme de la note du 9 janvier. Ce qui inquiète le plus à ce moment-là, c'est la revendication exprimée par la Chambre des notables de faire partir les fonctionnaires européens et les remplacer par des fonctionnaires égyptiens. Et on comprend très bien que les colonies étrangères se mobilisent pour défendre tout simplement leur gagne-pain. Donc, évidemment, elles entraînent tous leurs alliés en métropole, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France ou ailleurs. Alors, l'Angleterre est très gênée parce qu'une intervention militaire en Égypte risquerait de provoquer des complications européennes, puisque Bismarck pourrait en profiter pour faire ressurgir l'alliance des trois empereurs. Donc cette alliance, l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et l'empereur d'Allemagne, ce qu'on appelle l'alliance des trois empereurs, qui domine tout le système politique européen jusqu'à 1890. Et donc, l'alliance se distend, ça permet aux autres de faire ouf, mais quand elle se concentre, les puissances dites libérales, la France ou l'Angleterre, deviennent très inquiètes. Mais il faut dire qu'aussi à Londres, on s'inquiète sur la situation parlementaire de Gambetta. C'est que Gambetta a demandé une révision constitutionnelle qui conduirait, avec un mode de changement de scrutin, à créer un véritable pouvoir exécutif en France. Et ça a suffi pour le faire accuser de vouloir établir un régime dictatorial. Et donc, cela crée une coalition parlementaire qui réunit les partisans de Jules Grévy, le président de la République, hostile à tout renforcement de l'exécutif, et toute l'extrême gauche de Pelletan et de Clémenceau, qui veut bien une révision constitutionnelle, mais pas celle allant dans le sens du renforcement de l'exécutif. Et en même temps, les autres chefs des opportunistes, comme Ferry et Freycinet, ne sont pas mécontents de voir Gambetta mis en difficulté. Donc, le 26 janvier 1882, Gambetta pose la question de confiance. Après des débats houleux où on s'en prend au pouvoir personnel, il est battu par 268 voix contre 218. C'est la fin du grand ministère de Gambetta. Et donc, vous voyez là, encore quelque chose d'assez aujourd'hui, pas pour la France, mais par exemple pour un pays comme l'Italie, la question de la révision constitutionnelle et du renforcement de l'exécutif. Donc, le gouvernement n'a pas tenu 3 mois. Donc, on fait un nouveau gouvernement. Et le 30 janvier, c'est Freycinet qui est chargé de former un nouveau gouvernement. Vous rappelez Freycinet, le polytechnicien, l'homme des grands travaux, hein, le plan Freycinet. On parle encore du gabarit Freycinet pour les pépéniches. Freycinet forme le nouveau gouvernement, il prend le ministère des Affaires étrangères, tandis que Jules Ferry revient à l'instruction publique, et Léon Say, prend les finances. Léon Say, c'est le descendant de Jean-Baptiste Say, et en même temps grand banquier, etc. C'est le ministère de tous ceux qui ont refusé de participer au grand ministère de Gambetta. Et à partir de ce moment-là, Gambetta, qui commence à être atteint par la maladie, se retire plus ou moins de la politique active. Il fait encore quelques discours, quelques interventions parlementaires, mais en fait, tout au long de 1882, ses forces physiques vont se détériorer. Alors, vous savez, il meurt à la fin de 1882. Gambetta a lancé un processus d'internationalisation de la crise égyptienne, mais maintenant, les Français vont être à la traîne des événements, puisqu'il n'y a plus la puissante personnalité qui menait le jeu. Et donc, on en revient à la question de la Constitution, du vote du budget et de l'éventualité d'une intervention militaire européenne en Égypte. Et le 2 février 1882, la Chambre se réunit et vote une déclaration selon laquelle elle considère l'élaboration du budget comme un droit qui appartient exclusivement au gouvernement, lequel a le pouvoir d'accorder ce droit à la Chambre afin de satisfaire l'opinion publique et de se conformer aux intérêts vitaux du pays en tranchant le différent. Donc la Chambre adresse ce projet à Sharif Pasha, qui refuse de le recevoir parce qu'il se déclare lié par les engagements internationaux de l'Égypte. Sharif, refusant donc la demande de la Chambre, refuse de démissionner parce qu'il considère qu'il a été nommé par le Khédive et non pas par la Chambre. Mais on risque à ce moment-là une nouvelle démonstration de force de l'armée et donc finalement Sharif préfère démissionner plutôt qu'il y ait un nouveau coup d'état militaire en Égypte. Donc après la démission de Sharif Pasha, le Khedive est plus ou moins forcé de faire appel à Mahmoud Sami el-Baroudi, donc ce turco-circassien d'un côté, mais qui depuis le début de la crise a toujours été du côté du mouvement national et des militaires. C'est donc cette fois le 4 février 1882, Mahmoud Sami el-Baroudi forme donc le gouvernement avec Orabi Pacha, enfin Orabi comme ministre de la guerre. Mais maintenant qu'il a le rang de ministre, il va accéder au rang de Pacha. Donc c'est pour ça que je vais l'appeler Orabi Pacha, puisque nous sommes au temps des Pachas, Zaman al-Bachawat, comme on rappelle dans l'histoire égyptienne. Alors, les Européens conservent leur position dans le pouvoir égyptien, mais pour la première fois, les ministres Fellah tiennent les principaux postes d'autorité en Égypte. Même si le président du Conseil n'est pas un Fellah, c'est un turco-circassien. Alors, c'est là toujours que la complexité des événements de 1882, puisque à la fois il y a la question ethnique, mais aussi l'importance des solidarités de classe sociale, parce que la grande propriété foncière, elle est à la fois turco-circassienne et fellah, des projets politiques, le constitutionnalisme, et avec le brouillage supplémentaire, qui est le fait que les Européens parlent de ministère arabe, alors que la référence arabe est inexistante dans l'Égypte de 1882, c'est la référence égyptienne, l'Égypte aux Égyptiens, Maslen Mestriyen, c'est toujours la grande référence de 1882, et au point que toute la presse occidentale dit Arabi Pacha et pas Ourabi Pacha. Insistant donc sur une dimension arabe qui est absente dans le discours, parce que pour un Égyptien de 1882, un arabe c'est un bédouin. Et Dieu sait que les Fellahs détestent les bédouins. Alors il faut ajouter en effet que Sienkiewicz avait été le consul de France à Beyrouth durant l'affaire de Medhat Pacha, et donc il a aussi ramené son complot arabe. Alors, il y a aussi des faits d'éducation. Les ministres Fellah, à quelques exceptions près, ne parlent pas des langues européennes, tandis que les turco-circassiens parlent des langues européennes, essentiellement le français. Donc, les interlocuteurs habituels des Européens, ce sont les turco-circassiens. Un Sharif Pasha parle le français comme s'il était né dans les faubourgs de Paris. Donc les Européens ont plus mal à sentir l'opinion publique parce qu'ils n'ont pas le contact de la langue, ce qui est un phénomène qu'on retrouve ailleurs dans d'autres pays et dans d'autres États. Alors c'est vrai aussi que malgré tout, avec la formation en février 1882 de ce ministère fellah, ou arabe, une partie des turco-circassiens commence à décrocher du mouvement national et à se rapprocher du Khedive. Et en même temps, vous avez aussi les intrigues dynastiques. Le prince Halim avait longtemps cherché à renverser Ismaïl et Tchoufik pour prendre la place, parce qu'il estimait que c'était à lui qu'aurait dû devenir le Khedivia selon la loi du seigneurat et non pas de la primogéniture imposée par Ismaïl. Et donc, à un certain moment, Halim a financé des gens comme Jamal Eddin al-Afrani dans les années 1870 et avait utilisé la franc-maçonnerie pour essayer de saper le pouvoir du Khedive. Et puis, il y a aussi un autre décrochage qui est en train en partie de s'opérer, c'est le fait qu'une partie des Syro-Libanais qui jusque-là avaient rejoint le mouvement national par opposition aux fonctionnaires européens qui leur piquaient leur place, décrochent parce qu'ils commencent à s'inquiéter du slogan « l'Égypte aux Égyptiens » qui les marginalise à leur tour. C'est pour ça qu'il y a toujours un brouillard très compliqué sur ces événements égyptiens de l'année 1882 et qu'il est toujours très difficile d'en déterminer tous les tenants et tous les aboutissants. Alors, le but du ministère arabe, c'est de faire la constitution avec le contrôle du budget par la Chambre. Évidemment, les consuls y voient une conspiration militaire menée par un dangereux illuminé qui est Ahmad Ourabi, qui utilise la force militaire pour faire pression sur les notables. Alors, les Européens sont prêts à reconnaître qu'il peut avoir un soutien populaire au ministère arabe, mais c'est parce que c'est le pan-islamisme. Et donc, ce n'est pas acceptable. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe, aujourd'hui, l'internationalisation de la crise égyptienne. Alors la question reste aussi des idéologies. Il est certain que le mouvement national est un mouvement constitutionnaliste inspiré par le libéralisme européen. Mais il n'en reste pas moins que le taux d'alphabétisation masculine de la population égyptienne à ce moment-là de l'histoire doit être de l'ordre de 5 à 10%. Ce qui donne une alphabétisation totale, si on prend en compte les femmes, de moins de 5%. En Égypte. Ce taux d'alphabétisation a doublé à peu près en 20 ans par rapport au début du règne d'Ismaïl. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort dans ce sens-là. Mais il n'en reste pas moins que les gens sachant lire et écrire, ce qu'on va bientôt appeler en Égypte les Effendi, et cette classe sociale des gens qui savent lire et écrire, l'Effendia, d'Effendia est extrêmement minoritaire dans la population égyptienne. Alors, si les Effendi parlent de liberté, de constitution, de droit, Il n'en restait pas moins que l'essentiel de la population égyptienne analphabète voit surtout la défense de l'islam. Alors, c'est là aussi, il est très difficile de pondérer les facteurs, puisque les auteurs européens voient le pan-islamiste, les slogans islamiques des populations, tandis que les sources écrites nous donnent un libéralisme égyptien. Et à chaque moment, c'est toujours difficile de discerner ce qu'il en est réellement. Alors, la question est de savoir s'il y aura ou non une intervention militaire de ce qu'on appelle à l'époque les puissances occidentales. Dans le langage de 1880, les puissances occidentales, c'est la France et la Grande-Bretagne. Faites attention. Et par rapport au latin décadent que sont les Espagnols et les Italiens, et à la dictature, enfin, au régime autoritaire des trois empereurs dans la carte géopolitique de l'Europe. Alors, la question de savoir si les puissances occidentales peuvent intervenir seules ou non. Parce que si elles interviennent seules, est-ce qu'il n'y aurait pas une réaction du reste de l'Europe? Donc, tout le débat de février 1882 tourne sur cette notion qu'on appelle l'européanisation de la crise et qui, dans le jargon diplomatique d'aujourd'hui, serait appelée une internationalisation la crise. Problème pendant ce temps-là, c'est que Blount est revenu en Angleterre et il intervient auprès de Gladstone pour le supplier d'éviter une intervention militaire, ce qui agace le consul britannique de se voir court-circuiter dans la métropole. Mais si Blount est maintenant à Londres, il continue d'entretenir une correspondance avec Orabi et les chefs du mouvement national. C'est-à-dire qu'il est à la fois le porte-parole en Angleterre et dans la presse anglaise du mouvement national égyptien, et en même temps, c'est lui qui informe les nationalistes égyptiens de l'évolution de la politique britannique et du discours à tenir pour face aux Européens. Alors, on a beau essayer de tenir des discours, ça ne marche pas. Par exemple, Orabi va voir le consul de France pour lui expliquer que lui, il est le fils de la Révolution française. Je cite. « Ce matin, Orabi Bey, le chef réel du cabinet, est venu me trouver. Je ne connaissais pas encore ce personnage, mais l'impression qu'il a produite sur moi a confirmé l'opinion que je m'en étais faite. C'est une sorte de prophète d'illuminé qui nage dans des théories très élevées, qui est très éloquent, dit-on, mais que je ne figure pas aisément discutant dans un conseil une question d'administration ou un fait d'ordre ordinaire des choses. Il m'a fait un pompeux éloge de la France sur l'appui duquel il compte. Il m'a appris qu'il s'inspirait de nos annales, qu'il avait lu l'histoire de la Révolution de Napoléon Ier. Il m'a exposé comme quoi tous les Égyptiens ne formaient à mes corps qu'un tout dont le Khedive était la plus haute expression. Il m'a déclaré lui aussi que les conventions seraient respectées. Mais il a ajouté que les droits du peuple égyptien seraient défendus et qu'il était prêt à verser son sang pour la patrie. J'ai cru comprendre, sans chercher à approfondir ce point, qu'il voulait parler du vote du budget intérieur. Comme il revenait encore sur ses dispositions à se sacrifier pour son pays, j'ai cru devoir lui dire que je ne voyais nullement la nécessité de prendre les choses au tragique. Cette conversation a été très longue. Je crois qu'Orabi Bey est sincère, mais que les adulations dont il est l'objet depuis plusieurs mois l'empêchent de se rendre un compte exact de la manière dont vont les choses dans la vie commune et qu'il a en outre une assez haute opinion de son rôle. Il ne doit point d'ailleurs être dénué de finesse orientale. J'ai été très circonspect dans mes réponses, mais nous nous sommes séparés en fort bons termes. Alors, les consuls, n'ayant pas d'instruction de leur gouvernement, parce que les gouvernements ne savent pas quoi faire, sont dans l'attentisme. Mais ce sont les contrôleurs financiers, donc Blenière et Colvin, qui, eux, veulent qu'on bouge, parce que sinon, ils sont en train d'être dépouillés par les, la Chambre des notables de leurs compétences financières. Et l'anglais demande une intervention militaire et le français se déclare prêt à démissionner. Les consuls somment les deux de se tenir tranquilles parce que les sujets sont plus importants, enfin les sujets en cours sont plus importants que leur propre poste. Et Paris, vous savez, quand on menaçait de démissionner, on est parfois pris au mot. Et Paris accepte la démission de M. de Desblinières à condition qu'il ne la rende pas publique le temps qu'on lui trouve un remplaçant. Donc le résultat, c'est que le 12 février, le Paris et Londres envoient une note à l'ensemble des puissances européennes proposant un échange de vues sur la situation égyptienne. Du coup, tout ce que demandaient l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et la Russie, c'était qu'on les consulte pour montrer qu'ils existent, qu'ils ont un rang, une place dans le système international. À partir du moment où les Français et les Anglais les ont consultés, les autres puissances sont prêtes à leur donner carte blanche pour agir. Donc l'hypothèque de complications européennes semble levée. Ils ont même maintenant reçu un mandat européen. Bismarck a même fait savoir qu'il était plutôt pour une intervention ottomane, mais que si c'était pas possible, il accepterait une intervention militaire franco-britannique au cas où l'Égypte tomberait dans l'anarchie. Alors à Istanbul, Abdelhamid, il est bien embêté dans tout ça, parce que tous les acteurs de la scène politique égyptienne lui envoient des courriers pour lui demander d'intervenir. Abdelhamid n'a pas de sympathie particulière pour la dynastie de Mohammed Ali, mais il considère que le pouvoir de Khedive est légitime puisqu'il a reçu un firman de la porte. Et donc, remettre en cause le pouvoir de Khedive, c'est le remettre en cause lui. Surtout, il ne veut pas de constitution en Égypte alors qu'il a suspendu la constitution ottomane, et comme pour le reste de l'année 1882, il continue à percevoir la crise égyptienne comme un gouvernement arabe, cette conspiration qu'il a supprimée en rappelant Midat Pacha l'année précédente. Et puis il s'inquiète pour son autorité de calife devant le prestige croissant qu'Ourabi a dans l'ensemble du monde musulman. Mais tout le monde va reconnaître que si les discours politiques et les oppositions deviennent de plus en plus fortes en Égypte, jusqu'ici, il n'y a pas eu de violence. Que les Européens n'ont nulle part été inquiétés physiquement durant tous ces événements. Certes, les Européens sont très inquiets sur la volonté de remplacer les fonctionnaires européens par des indigènes, mais c'est tout, il n'y a pas eu de violence exercée contre eux. Alors, c'est pour ça que la colonie britannique et maintenant la colonie française commencent à faire campagne contre Ourabi Pacha, enfin Ourabi et les nationalistes. Quand Blount arrive à Londres, il trouve une Angleterre traumatisée par l'agitation irlandaise. On vient d'assassiner le gouverneur irlandais, enfin le gouverneur britannique de l'Irlande, par les Fenians, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Iran. Et donc, par conséquent, les libéraux britanniques qui sont au pouvoir, d'abord, sont très préoccupés par le dossier irlandais, mais surtout eux-mêmes menant une politique de force en Irlande, sont moins sympathiques devant des gens qui se révoltent en Égypte. Vous comprenez, les gouverneurs, les hommes d'ordre préfèrent l'ordre partout dans le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les plus radicaux, parce que bon, qu'on appelle les libéraux, c'est une coalition, les libéraux, évidemment, il y a le vieux parti libéral qu'on appelle les Whigs, héritiers du XVIIIe siècle, et souvent appartenant à la grande aristocratie britannique. Un certain nombre d'anciens conservateurs alliés aux libéraux, comme Gladstone, qui avait démarré sa carrière comme au parti conservateur. Et puis, il y a le groupe nouveau des radicaux, c'est-à-dire l'aile gauche du libéralisme britannique. Or, ce sont les libéraux, enfin les radicaux, qui sont les plus véhéments contre le mouvement national égyptien. C'est-à-dire un homme qui, quand même, commence à s'imposer, enfin deux hommes qui commencent à s'imposer dans la politique britannique. Le premier, c'est Sir Charles Dick-Dick-Dick, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est la personnalité montante du Parti libéral, au point qu'on le considère comme le successeur probable de Gladstone. Il est alors sous-secrétaire d'État, enfin sous-secrétaire au Foreign Office. Né en 1843, Dalk a fait un tour du monde en 1866-67, juste à la sortie de ses études à Cambridge. Et il en est sorti un livre qui s'appelle Greater Britain, la Grande Bretagne, qui est un grand succès de librairie en 1869. C'est une apologie de la race anglo-saxonne à qui est destinée la domination du monde. Ce n'est pas une notion biologique, puisque les immigrants européens aux États-Unis deviennent des anglo-saxons. Il forge dans ce livre un concept intraduisible en français, Saxondom, ce qu'on pourrait traduire par saxonité ou saxonitude, c'est-à-dire cette entité saxonne, en quelque sorte. Alors, il faut bien comprendre, c'est très intéressant. Dilk, c'est la génération qui a abandonné le grand tour en Europe. L'aristocratie britannique faisait le grand tour en Europe pour faire la culture, pour faire sa culture. Il parle le grand tour du monde. On est dans le monde de Jules Verne, du tour du monde en 80 jours. Et donc, Dilk a une vision impériale et non plus européenne de la géopolitique mondiale. Pour lui, l'extinction des races inférieures, comme les Indiens d'Amérique ou les aborigènes d'Australie, n'est pas seulement une loi de la nature, c'est une bénédiction pour l'humanité. Lors de son passage en Égypte, il trouve que le despotisme du Khedive est dans la norme des despotismes orientaux, c'est peut-être pas le pire, mais qu'évidemment on ne peut pas le mettre au même niveau que le despotisme britannique en Inde. Parce que les Anglais sont au service de la population indienne, évidemment. Le Khedive se croit l'introducteur de la civilisation occidentale, mais il ne fait que singer les vices des Français. Et là, on a le début d'une grande thématique britannique sur ces orientaux qui ont tous les défauts des Français sans aucune des qualités. Il est entré dans la carrière politique tout de suite, comme membre du Parlement. Il est, durant la guerre franco-prussienne, il s'est rendu sur place en marquant d'abord une sympathie pour l'Allemagne par hostilité au régime de Napoléon III. Et par sympathie raciale, puisqu'entre Saxons et Germains, il y a une parenté. Mais le militarisme prussien et la proclamation de la République n'ont fait changer d'avis. Et il a basculé du côté des républicains français, nouant une très forte amitié avec Gambetta, avec qui il maintient une correspondance force active durant toutes les années 1870, puisqu'on les voit quand ils se rendent en France. C'est lui qui a mené en partie la négociation sur le traité de commerce qui a échoué, mais il est partisan d'une intervention militaire conjointe franco-britannique. Alors, l'autre radical, encore plus important, c'est Joseph Chamberlain. Chamberlain en français. L'ancien maire de Birmingham, qui est considéré comme l'homme le plus important du gouvernement britannique en dehors de Gladstone. Certes, il est à cette époque chargé des affaires commerciales, President of the Board of Trade, et peu concerné par les affaires étrangères. Mais c'est un ancien homme d'affaires et considère que les porteurs de bons de la dette égyptienne doivent accepter les risques de leurs investissements puisqu'ils ont recueilli des profits. Il s'était montré hostile à la note franco-britannique en affirmant qu'il existait bien en Égypte une expression légitime de mécontentement et de résistance à l'oppression. Néanmoins, et ça qui est essentiel, Chamberlain est entré dans l'histoire, comme vous le savez tous ici, évidemment, comme l'inventeur de l'impérialisme. Puisque toute la grande pensée politique de Chamberlain à partir des débuts des années 1880 va consister à renforcer la cohésion de l'Empire britannique pour en faire une entité politique globale, enfin au sens mondial du terme. Donc, pas de confusion quand Chamberlain utilise le terme impérialisme au début des années 1880, c'est d'abord pour consolider l'Empire et non pas pour l'étendre, même si en Afrique du Sud, il sera un des grands acteurs de l'expansion de la Grande-Bretagne conduisant aux guerres avec les Boers. Mais donc, et là aussi, évidemment, je vais avancé dans le temps, Chamberlain, un peu plus tard, sera le seul grand homme d'État britannique à défendre le protectionnisme, pour créer un protectionnisme impérial, entrant donc dans une espèce de guerre religieuse, de religion en Grande-Bretagne entre les protectionnistes et les défenseurs du libre-échange, question qui va déchirer la politique britannique de 1880 à 1931, au moment où l'Angleterre abandonnera définitivement, provisoirement en tout cas, le libre-échange. Ceci pour vous rappeler une évidence d'histoire britannique. On vous présente toujours les Britanniques comme des pragmatiques, alors qu'ils sont capables de guerres idéologiques terrifiantes et sectaires à l'égal des Français, mais sur d'autres sujets. Bon, on l'a vu sur le Brexit, en 1880, enfin, la question du protectionnisme et du libre-échange est quelque chose qui va profondément diviser la politique britannique. Avec la curiosité, je vous le rappelle par rapport à aujourd'hui, c'est que c'est les classes populaires qui sont pour le libre-échange. Parce que ça permet de maintenir les prix des denrées alimentaires très bas puisqu'elles sont importées. Et donc le protectionnisme conduirait à une hausse du prix des denrées alimentaires et donc à une baisse du pouvoir d'achat de la classe ouvrière. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, les classes populaires britanniques sont favorables au libre-échange. Ceci, contrairement à ce que nous avons dans les discussions contemporaines. Alors, au début de 1880, Dilk et Chamberlain, quand ils rencontrent Blount, n'ont pas encore été vraiment hostiles au mouvement national. C'est l'évolution qui va se faire dans le premier semestre et qui va finir par faire des deux radicaux les acteurs principaux de l'intervention militaire britannique en Égypte. En revanche, Blount se heurte au consul britannique qui est inquiet des manœuvres que Blount entreprend en Grande-Bretagne. Et donc, il y a maintenant des échanges extrêmement violents par lettre entre Blount et le consul britannique. Blote n'hésitant pas à accuser, à juste titre d'ailleurs, la colonie britannique, le correspondant britannique du Time OK, de créer de fausses informations sur la situation en Égypte, accusant de mauvais gouvernement les nationalistes, parce qu'en fait, l'enjeu est le maintien des fonctionnaires européens dans l'administration égyptienne. Et Blount explique partout en Angleterre que seul Orabi est le sauveur de l'Égypte, le seul qui luttera contre l'esclavage et qui réformera l'administration égyptienne. Le 22 mars, Blount est reçu par Gladstone, qui le laisse parler longuement, mais qui ne s'engage en rien. Puis ensuite, bon, comme Blount est quand même un aristocrate britannique, il se retire dans sa campagne et s'occupe de son haras, puisque je vous rappelle que la grande œuvre de Blount et de Lady Anne, c'est l'acclimatation des chevaux arabes qu'ils ont achetés dans la péninsule arabique à l'Angleterre. Donc il faut quand même qu'ils s'occupent de leur haras de temps à autre. Mais de sa campagne, il continue une correspondance active avec Ourabi, Mohamed Abdo et Abdallah Nadim, les trois têtes en quelque sorte du mouvement national. Alors à Londres, bah, c'est l'indécision qui domine parce que toutes les solutions paraissent mauvaises. Une intervention avec les Français, ça ne peut pas donner quelque chose de positif. On voudrait bien que les Ottomans interviennent, mais ce n'est pas possible parce que les Français s'y opposent. Et en plus, une intervention ottomane en Égypte risquerait de provoquer un soulèvement en Afrique du Nord, en Algérie et en Tunisie. Un vieux cheval de retour qui nous intéresse aussi, c'est Nubar Pacha, qui est de passage à Paris et à Londres, et qui prend plutôt la défense du mouvement national en disant qu'en agissant intelligemment, on pourrait manipuler dans le bon sens Ourabi et ses compagnons. En clair, ça veut dire qu'Ourabi, avec Nubar, est en train de faire des offres de service aux Français et aux Britanniques. Collège de France, vous venez d'écouter l'historien Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du 19e, le 7 décembre 2016, aujourd'hui l'internationalisation de la crise égyptienne. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Oriental » aux éditions du CNRS et à la mi-février, il va publier chez Fayard « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons en compagnie d'Henri Laurence « Qu'est-ce que la première mondialisation des années 1880 ?» Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.